guider sa vie sous le phare de la victoire. Être gravé dans le marbre de l'histoire, avoir une flamme à sa mémoire, comme ce soldat inconnu. Marquer les esprits de mythiques exploits, bref. Entrer dans la légende, l'été j'avais des nuits de fou. J'allumais les clopes, j'étais sous le bloc qui résonnait dans ma tête. Accroupi dans le trou, entouré de plein de vies d'amour échouées, de rêves de gosses roués, de personnes proches écrouées. Style de mec sage, plein de vaches dans le cahier. Souvenirs émaillés, flash détaillé, soleil dans les yeux. Le kiff reposté dans le milieu. Seul un superficieux prend le hasard au sérieux, fils. Pris dans le train-train, on se prend plus tard à mentir. Pire, on se donne un sens aux choses qui ne veulent rien dire. Dire que c'est les, j'étais finir dans une pièce scellée. Jamais, la peau est intacte, mais le cerveau c'est vrai. La feuille vierge, comme un cahier de la vie m'acculée. Acculé à l'extrême, je vis ces jours désarticulés. Accusé de mille mots, tant pis j'ai pas récusé. Un peu usé, abusé à la longue, je deviens rusé. Excusé, j'ai carburé au tépacap, t'as pas chiche. Je me suis jamais fait à l'ennui, et au repas chiche. Dans cet état d'esprit, on refuse pas le bac chiche. On essaie d'oublier en fumant des chocs hashish. En écrivant ces quelques ratures, pourquoi je rappe sur des mélodies tristes. Il faut croire que c'est ma vie, ma nature. Mon amertume crie à la face du monde, à la faveur des ténèbres. Je vomis sur toutes les faces du monde. Demain me fait peur, pourtant je traîne ma silhouette. Et flanqué, et flanque des tannés aux girouettes. Car ceux qui tournent avec le vent perdent leur âme avec le vent. J'envoie mes voeux avec le vent vers le levant. Entre dans la légende, marquer les esprits de mon sang, de mon sceau, de mon sang. Être finalement quelqu'un, faut-il pour autant que je parte à 30 ans. Dieu seul le sait, lui seul le sait. Entrer dans la légende, marquer les esprits de mon sang, de mon sceau, de mon sang. Être finalement quelqu'un, faut-il pour autant que je parte à 30 ans. Dieu seul le sait, lui seul le sait. D'autres voyants sans son, je sens mon voyant dans leur sang. À la réflexion, ils critiquent mes génuflexions, mais seuls contre les actions. Introspection comme un remède, une attitude neuve. Du torrent à la rivière, de la rivière au fleuve. Dans la mer, molécules éparpillées, noyées, évaporées. Retour m'étant psychique dans les cieux sous forme de nuages chargés, plus cyclique, effet du disque. L'âme purifiée revient sur terre tel un phénix, comme un prince bédouin, simplement sans atour. Rempli d'amour pour la haine, plein de haine pour l'amour. Degré d'élévation 0, 90, 180, 30 ans déjà, les anges me tendent la main. Fier, solide comme une pierre, troqué cher pour une carrière. Machine arrière, je noyais mon destin dans la bière. Collapse dans le temps, illuminé, soif de savance. Micro entre les dents, regard injecté de sang, balbutiement. Murmure, texte, style chaotique. Alchimiste verbal, architecte de rythme psychotique. Ma délurée dénaturée, trahie, incurvée. Intelligence cuvée, passablement perturbée. Persuadée que le temps m'était compté sous cette forme. Ma voix était réduite, moyenne puis énorme. Mes comptes, mes versets, versant d'une adversité rude. Je chante ces mélodies par habitude. Chaque jour, mon stress laisse porter. La portée de ma vie est à la porte sur une portée de notes. Quand un rien peut tout faire voler en éclats, je parade pour un dernier coup d'éclat. Entrer dans la légende, marquer les esprits de mon sang, de mon sceau, de mon son. Être finalement quelqu'un, faut-il pour autant que je parte 30 ans. Dieu seul le sait, lui seul le sait. Entrer dans la légende, marquer les esprits de mon son, de mon sceau, de mon son. Être finalement quelqu'un, faut-il pour autant que je parte 30 ans. Dieu seul le sait, lui seul le sait.